بسم الله الرحمن الرحيم. دعوة السلفية باليمن. أنا بليزير دو بريزونتير. فنبدأ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل في هذه الدروس في مناسك الحج والعمرة في ضوء الكتاب والسنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نيميرو 4. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل في درسنا بفضل الله عز وجل مناسك الحج والعمرة. آخر ما أخذناه في ما يلبس المعتمر، أي يلبس الإزار والرداء، ويجب عليه أن يجتنب جميع الألبسة التي فصلت على قدر عضو معين. هذا كنا أخذنا هذه المسألة، واليوم نكمل ما يتعلق باللباس، لكن ما يتعلق بخصوص المرأة. فقال الشيخ محمد وفقه الله تعالى، قال: وأما المرأة المعتمرة فإنها تلبس جميع الثياب، ولا يمتنع عليها إلا القفازات وما يشد على الوجه كالبرقع والنقاب. دونك المرأة contrairement au رجل، أنه il ne doit pas comme on a vu le درس précédent mettre des vêtements qu'ils ont été façonnés, qu'ils ont été cousus. فالمرأة تلبس ما شاءت من الثياب. Bien sûr, tant que ça خالف pas notre دين. لكن il y a deux choses qu'elle doit éviter. المحرمة كما قال هنا الشيخ، أي يمتنع عليها ولا يمتنع عليها إلا القفازات. والقفازات أي سليقو. فالمرأة المحرمة لا تلبس القفازين. كذلك وما يشد على الوجه كالبرقع والنقاب. لكن تأمل أخي أن العلماء quand ils citent مثل هذه المسائل، ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas se couvrir. فانتبه. فمثلا ولا يمتنع عليها إلا القفازات، ça veut pas dire que ses mains apparaissent là. Tu peux couvrir tes mains avec autre que القفازين، أي les gants. وهكذا الوجه، وما يشد على الوجه كالبرقع والنقاب، ça veut pas dire qu'elle ne se couvre pas le visage. وستأتي معنا هذه المسألة بشيء من التفصيل. قال: وعليها أن تستر وجهها بإسدال الثوب من رأسها على وجهها، ولا بأس عليها إذا مس وجهها، ولكنها لا تشده عليها أو عليه، لا تشده عليه، أي البرقع أو النقاب. أنصت لأدلة أولا ثم نقرأ كلام أهل العلم في هذه المسألة. الدليل على هذا أن المرأة لا تلبس النقاب، et elle ne porte pas de gants quand elle est muhrima. الدليل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيح مرفوعا، قال: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. هذا سنص في هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تنتقب، وكذلك نهاها أن تلبس القفازين. Donc المرأة elle porte pas le niqab et elle ne porte pas les gants quand elle est muhrima. وثبت عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم عنهما كما في مستدرك الحاكم، قالت أو أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة. فالآن الشيخ محمد ينبه عن هذا عند قوله ولا يمتنع عليها إلى القفازات وما يشد على الوجه، انتبه لقوله وما يشد على الوجه كالبرقع والنقاب وعليها أن تستر وجهها بإسدال الثوب. فتعلمون أن النقاب que le mar al porte, c'est ce bout de tissu et il est attaché autour de son crâne et ça lui couvre le visage. Fi hal al ihram la tashud, elle ne doit pas l'accrocher autour de sa tête. Elle tourne wajha d'une autre façon si elle a l'habitude de porter le niqab de cette façon. Ay bi sadl hadha thawb min ra'siha. Et elle laisse pendre ce bout de tissu qui vient d'au-dessus de sa tête, il couvre sa tête et il descend sur le visage. Sans ce niqab que certaines sœurs elles portent, et il couvre le visage et il laisse apparaître les yeux. Thomas, elle fait un nœud derrière sa tête pour tenir ce niqab. Hal fi hal al-ihram, voilà. Falihada, on recite. الدليل أي أثر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في مستدرك الحاكم قلنا أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة. كذلك صح عن عائشة رضي الله عنها كما في سنن البيهقي أنها قالت ولا تتبرقع ولا تتلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. Ça, ça montre أن المرأة quand on lit Hadith Ibn Omar أنها لا تنتقب, ça ne veut pas dire qu'elle ne se couvre pas le visage là. لكن cette façon de se couvrir le visage, فلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في منسكه قال لو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جائز بالاتفاق. هذا سنقل طيب لأنه رحمة الله عليه نقل فيه الإجماع. يسيت لنانيميتي أنه على الدواء de se couvrir le visage. لو غطت المرأة وجهها بالشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق. قال وإن كان يمسه وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا. لأن بعض العلماء ils ont précisé أن ça doit pas toucher le visage. Et ce tissu qui couvre le visage de la femme, il ne doit pas toucher son visage, être collé au visage. Amma si touche pas le visage, si touche pas le visage, fabel ittifaq bil ijma' annaha hadi al mar'a peut se couvrir le visage en étant muhrima. Si il touche le visage, il y a un khilaf, fa sahih annahu yajuzu aydan kama qala cheikh al islam qala wa la tukallaf al mar'a an tujafi sitrataha 'an al wajh لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك. Ça c'est un tambih tayyib. La femme qui couvre son visage en étant muhrima, elle n'a pas besoin de tatakallaf. Et elle s'impose, imma avec sa main, imma avec oud, un bout de bois ou autre, pour que le tissu touche pas son visage. Hada la. Hada ala sahih, qawl shaykh al-islam, wa qawl kathir min ahl al-ilm, annaha elle n'a pas besoin de faire ça. أنه سجائز tant qu'elle ne porte pas le niqab. Elle fait un nœud autour de sa tête avec ce bout de tissu. Ça va ressembler au gant. Et ça va ressembler aux vêtements qu'on a cités pour l'homme. T-shirt et autres, c'est, on avait dit, un vêtement qui est conçu la forme d'un membre. Un niqab, c'est comme si c'était bel, c'est un vêtement pour couvrir le visage de la femme. Pour le muhrima, c'est mamnou. Amma autre, un tissu qui recouvre son visage sans être attaché autour de sa tête, si ça touche pas le visage, il est tifaq. Comme a dit l'Islam, si ça touche le visage, il y a un khilaf, c'est jaiz. On a cité Athar Asma, radiyallahu anha, et كذلك Athar Aisha. قال شيخ الإسلام وأزواجه صلى الله عليه وسلم كنا يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافة. نعم. Cheikh l'Islam, il montre que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam se couvraient le visage en état d'ihram et on n'a pas personne à rapporter, ou il n'a pas été rapporté de, avec une chaîne de transmission authentique, elle faisait attention que ce bout de tissu ne touche pas le visage. Là. قال رحمة الله عليه لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة. فتأمل فقه هذا الإمام, تأمل la compréhension de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi. الرجل مثلا, on va donner un exemple, il n'a pas le droit de porter des chaussettes en étant d'ihram. Léana, c'est un vêtement qui a été façonné pour ce membre, les pieds. En état d'ihram, tu n'as pas le droit. Est-ce que tu as le droit de couvrir tes pieds? Naam, bilitifaq. Ce que tu n'as pas le droit de te couvrir, c'est ta tête, comme on va voir. Incha'Allah ta'ala. Fajr al-Islam, il fait une comparaison. Il a si l'homme, il n'a pas le droit de porter des chaussettes, là qu'il a le droit de couvrir ses pieds. Fa la femme, elle n'a pas le droit de porter un niqab. Léana, c'est un vêtement qui est khas pour le wajh. Et elle doit l'attacher à son, autour de sa tête. Lakin, elle a le droit de couvrir son visage. Et naqala l'ittifaq, il a cité, ou on a cité les athar an Asma ou an Aisha. Hada, c'est un kalam tayyib de Cheikh al-Islam. Wa qala al-imam al-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahmatullah alayhi fi al-sharh al-mumti' قال ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أنه حرم على المحرمة تغطية وجهها وإنما حرم عليها النقاب فقط. Vous remarquez que Cheikh al-Islam il a fait la différence, Cheikh al-Uthaymeen الآن il te fait la différence entre couvrir le visage et porter le niqab. C'est deux choses différentes. Quand tu portes le niqab, tu te couvres le visage. Lakin tu peux te couvrir le visage avec autre que le niqab. Enfin, ce qui est interdit pour la femme en étant d'ihram, c'est le niqab. C'est pas se couvrir le visage. Et la barre de nas, en lisant ou en écoutant hadith mas'ala, un nabi sallallahu alayhi wa sallam qala wa la tantaqib al-mar'a, il a compris, barre de nas, il comprend, elle se couvre pas le visage. Là, c'est différent. C'est différent et ça nous montre l'importance de revenir à Ahl al-Ilm et à leur compréhension. قال وفرق بين النقاب وتغطية الوجه وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها لا قلنا هذا لا بأس به. Si une femme en étant d'ihram elle se couvre le visage, on dit لا بأس, c'est pas haram عليها. قال ولكن الأفضل. Et ça, الآن نحن à partir de ce moment où on est arrivé à la femme, c'est pas obligatoire pour elle qu'elle se découvre en état de ihram. Elle découvre son visage. Comme بعض الناس il pourrait comprendre. هذا سواضح. بل on a vu à Aïcha, Asma, Cheikh al-Islam il a rapporté les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles se couvraient le visage. الآن قال Cheikh al-Uthaymeen ولكن الأفضل أي c'est préférable أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال أجانب. فالأفضل c'est que cette femme, cette muhrima, elle découvre son visage sauf si ça peut pousser à une fitna. Mathalan, il y a des hommes, des étrangers qui peuvent l'avoir, etc. ففي هذا الحال elle se couvre le visage. قال فيجب عليها أن تستر وجهها عنهم. S'il y a des étrangers, enfin, la femme, c'est obligatoire, elle doit se couvrir. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-mar'atu awra. Al-mar'a, c'est une awra. Enfin, son visage, elle doit le couvrir. Lakin, qaddir, anna, dans un endroit, elle est muhrima, et il n'y a pas de ajanib, enfin, l'afdal, elle découvre. Al-afdal, elle ne couvre pas son visage. Lakin, ta'alamoun, anna, fi hada zaman, avec al-zahma, il y a beaucoup de monde, honak, et fal haqiqa, elle ne pourra pas. Obligé, ou fi kathir min al-ahyan, il y a des ajanib, ay des hommes qui sont pas ses maharim, fa fi hada al-hal elle se couvre. Wallahu al-musta'an. كذلك on cite un autre dalil qu'on n'a pas cité. Ja'a an Aisha radiyallahu anha annaha qalat kunna ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam idha marra bina rakbun sadalna thawb. Vous avez remarqué le mot qu'elle employait Aisha, sadalna. C'est le fait de faire descendre. Contrairement au niqab, t'attaches. Donc ce qui est interdit pour le muhrima, c'est le niqab. Amma sadd al-thawb, un thawb qui lui couvre le visage, comme le hijab que beaucoup de sœurs elles portent, annahu c'est pas un niqab, c'est un jilbab qui recouvre tout le corps, le visage et qui descend sur le corps. Fahada, hada, Aisha radiyallahu anha rapporte annahum quand marra qalat idha marra bina rakbun sadalna thawb ala wujuhina wa nahnu muhrimat qalat fa idha jawazna rafa'na. فلهذا شيخ الإسلام أو شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه إلى دي الأفضل s'il n'y a pas d'étranger الأفضل elle découvre le visage comme elle faisait Aïcha رضي الله عنها et s'il y a des étrangers elle se couvre. لكن comme on a précisé notre époque الآن مع الزحمة خاصة في الحرم في الحرم كذلك في عرفة كذلك في منى كذلك في مزدلفة il y a toujours du monde ففي هذا الحال المرأة elle se couvre والله أعلم. مسألة après avoir parlé du hijab de la mar'a et donc as-sahih on a dit c'est elle se couvre le visage لكن pas avec le niqab. Une autre مسألة هل للمرأة أن تلبس حليها est-ce que la femme elle peut porter ses bijoux en état de ihram صح عن عائشة رضي الله عنها كما في مسائل أبي داود أنها قالت رضي الله عنها تلبس المحرمة ما تلبس وهي حلال من خزها وقزها وحليها فهذا نص عن عائشة رضي الله عنها أن لا يوجد فرق بين المحرمة والمرأة غير محرمة. Les bijoux qu'elle portait avant, si elle en était d'ihram, elle n'a pas besoin de les enlever. لا. وصح كذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن نساء وبناته كنا يلبسن الحلي فلا ينكر ذلك كما في مسائل أبي داود وهذا هو اختيار ابن المنذر وهذا القول هو الصواب. Tout ça, on l'a lu فتح العلام شرح بلوغ المرام. Donc, à savoir, c'est que la femme, مثلاً, si elle porte une bague, ou un bracelet, ou un collier, avant l'ihram, et elle rentre en ihram, à sahih, elle n'a pas besoin d'enlever. Ça affecte en rien son ihram. لكن, Cheikh Mohamed ibn Hizam, il a nabba, في فتح العلام, أنه لا ينبغي أن تلبس فوق عادتها في غير الإحرام. نعم. لا ينبغي أن نسي أن أنت الإحرام الغجود دي بيجو لا الغست كما لعفن الإحرام يبقى الإحرام قال والله أعلم. فهذه بعض المسائل خاصة بالمرأة مسألة الحجاب مسألة الحلية الحلية لبيجو كالبخت. ثم قال الشيخ الأفضل أن يكون التجرد من الثياب والاغتسال في الميقات ومن احتاج إلى فعل ذلك من بلده فيجوز له. Une autre مسألة الآن أن ces choses qu'on a citées aujourd'hui dans le درس précédent أن المحرم c'est مستحب il fait le غسل il met الإزار والرداء pour l'homme etc. toutes ces مسائل qu'on a citées الأفضل أن يكون التجرد إلى دي من الثياب والاغتسال etc. c'est في الميقات. الأفضل c'est que tu fais ces choses في الميقات. مثلا نحن si on vient من المدينة on fait ces choses في ميقات ذي الحليفة il l'appelle de nos jours أبيار علي. قال ومن احتاج إلى فعل ذلك من بلده فيجوز له كما تحصل الحاجة للذين يسافرون على الطائرة فإن له أن يغتسل ويلبس ثياب الإحرام ثم إذا حادت الطائرة الميقات أهل بالعمرة. Ça c'est muhim. Il a donné un exemple en Ba'd al-Hujjaj. Ils ne peuvent pas atteindre le miqat مثلاً, directement. مثلاً, ils sont en avion. Ils sont en avion et on a cité la mas'alan à l'avion. Si ils ne s'arrêtent pas avant le miqat, s'ils passent en plein vol et ils passent à côté d'un miqat, al-Hujjaj qui sont dans l'avion, ils se mettent en état d'ihram. Ils ne doivent pas dépasser le miqat. Ils peuvent s'habiller, faire le ghusl, etc. chez eux, bien avant le miqat. Quand ils sont dans l'avion, si l'avion il arrive au niveau d'un miqat, celui de Medina ou autre, لكن ils sont déjà habillés, ils sont déjà lavés, etc. لكن on verra cette مسألة أن العمرة c'est pas le fait de changer ses vêtements. لا. Quand on a dit العمرة, الإحرام plutôt. الإحرام c'est pas le fait de faire le rose, changer ses vêtements. لا. الإحرام كما قال الإمام الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله عليه قال المراد بالإحرام النية Al-Ihram, c'est An-Niyya, cette intention. Cette intention, quand tu arrives au miqat, que tu es muhrim. Aïe, des choses qui sont halal, ça devient haram pour toi. C'est pour ça qu'on appelle Al-Muhrim. Comme on appelle Takbirat al-Ihram, le premier Takbir fi Salah. On appelle Takbirat al-Ihram. Vous avez remarqué, c'est le même nom. Et on a Al-Ihram. Takbirat al-Ihram. Aïe. Tout ce qui est, où il y a des choses qui lui sont autorisées avant salat avec ce takbir, c'est interdit. Comme le fait de manger, de parler, etc. Fahakada al-ihram. Donc c'est une niya, c'est une intention. Qala al-niya duna l'irtisal. Wa lufs thiyab al-ihram. Wa akthar al-amma yahmiluna ma'na al-ihram ala lufs thiyab al-ihram. Wa laysa kadhalik. Cheikh Ibn Taymiyyah fait un tanbih à كثير من العوام. Bal aktharuhum, ils comprennent al-ihram cette tenue. Tu mets izar, tu mets rida, tu as fait le ghusl, etc. Tu es en état d'ihram. Là, l'ihram, c'est une niya, avoir cette intention. Donc, tu peux très bien mettre ses habits et faire le ghusl avant. Qala faman kana fil miqat, ou faman kana fil madina, wa taghassal, ولبس ثياب الإحرام ولم يحرم إلا بذي الحليفة فإنه لم يفعل مكروها. إذن الإكزامبل avec أهل المدينة. مثلا واحد يلبس في المدينة. أمدين. Il se lave chez lui. Il met ses habits chez lui. Il se prépare, etc. ثم il prend la route. Entre المدينة et ذي الحليفة, il y a quelques kilomètres. Quand il arrive à ذي الحليفة, il est en état d'Ihram. Il met l'intention, il prononce لبيك اللهم بعمرة. Et il est en état de haram à partir de Dhul Hulaifa, pas Al-Madina. Voilà, c'est un tanbih muhim de la part de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi. Qala fa innahu lam yaf'al makruhan lianna al-ihram huwa niyat al-dukhul fi an-nusuk. C'est ça l'ihram. C'est que tu as l'intention de rentrer fi an-nusuk. Ay, a'mal al-umra ou al-hajj. Qala wa lam tahsul minhu illa fi al-miqat. Hada fa kalam tayyib. Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, كذلك, il a un kalam mufid. في رسالته النافعة إلى ليبر في مناسك الحج كذلك إلى نبه شخصة مسألة ثم قال للمحرم أن يتطيب في رأسه وبدنه دون أن يمس أو يمس ثياب الإحرام وذلك قبل أن يحرم فإذا أحرم بالعمرة أو الحج فلا يجوز له ذلك بعد ذلك التطيب في بدنه ولا في ثيابه حتى يحل. Une autre masala, et elle est importante, et ça fait partie de mahdhurat al-ihram, qu'on résumera, inshallah. Maintenant, on essaye de suivre un ordre chronologique pour faire l'umrah et ensuite le hajj. Lakin, inshallah, on rassemblera ces masala, c'est muhim. Mahdhurat al-ihram, est-ce qui annule l'ihram ou qui fait du mal à l'ihram. Parmi ces choses, at-tatayyub, le fait de se parfumer. Qala fi ra'sihi aw badani duna an yamassiya bil ihram, etc. Ad-dalil ala hadha, c'est hadith Aisha fi sahihayn. Qalat kuntu utayyib Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li ihramihi qabla an yuhrim. Aisha radiyallahu anha, elle parfumait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avant qui rentre en ihram. Hada mafhoum, ay sur son corps. Al-an on est al-badan. Fatatib al-badan qabla al-ihram, c'est mustahab. Liana nahnu retire de ce hadith, anna Aisha le faisait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'est recommandé. Wa huwa qawl akthar al-ulama. Donc, première mas'ala dans ce sujet de se parfumer, awwalan se parfumer avant l'ihram. Aïe son corps. Fahada c'est mustahab. Aïcha elle parfumait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala ibn Qudama fil Mughni rahmatullah alayhi ajma'a ahlul ilm ala anna al-muhrim mamnu' min at-tib wa qad qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fil muhrim alladhi waqasathu rahilatahu la tamassuhu bi-tib rawahu Muslim. Qissa ma'rufa أن هذا الصحابي رضي الله عنه إلى مور في الحج أو أن يتدي حرام وقصته راحلته أي il s'est fait tuer par sa bête. Elle lui a mis un coup رضي الله عنه. فإذا مر أن تدي حرام فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسوه بطيب أي ne le parfumez pas أي son corps il était mort هو ils allaient l'enterrer رواه مسلم وفي لفظ لا تحنطوه toujours le parfum متفق عليه فقال ابن قدامة أبقى بقصيتي سوى الدليل فلما منع الميت من الطيب لإحرامه فالحي أولى هي نعم Si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit de parfumer ce mort, falhay, celui qui est vivant, mimbabi awla. Kadhalik, on ne doit pas se parfumer en état d'ihram. Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam su'ila, ma yalbas al muhrim min al-thiyab, qala sallallahu alayhi wa sallam, la talbisul qumus, wala al-amaim. Tout ça taqaddam ma'ana, les habits, les vêtements qu'il faut éviter. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس متفق عليه وهذا اللفظ مسلم لفظ لمسلم قال ابن قدامة رحمة الله عليه ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا يعني في أن المحرم لا يلبس ثوبا مسه الزعفران أو الورس أو الطيب أما ونسيت نحن هذا الدليل حديث ابن عمر pour démontrer أن le محرم il se parfume avant de rentrer en état d'ihram lakin il parfume pas ses vêtements il parfume pas ses vêtements avant l'ihram et il ne parfume pas min babi awla pendant l'ihram قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه مسألة إذا تطيب في بدنه فوضع الطيب على رأسه ولحيته ثم سال الطيب من الموضع الذي وضعه فيه نازلا إلى أسفل قد يقول قائل je peux me parfumer خاصة يا نوع إلى ليكيد t'en mets sur ta barbe ou sur ton corps ثم Ça coule sur tes vêtements, sur ton al-izar ou al-rida, les vêtements que tu mets quand tu es en état d'ihram. فَهَلْ هَذَا يُؤَثِرَ أَمْلَا أَوْلَا Est-ce que ça fait du mal, أَمْلَا قَالَ شَوْ نَعْتَيْمِينَ لَا يُؤَثِرَ لِأَنَّ انْتِقَالَ الطِّيبُ هُنَا بِنَفْسِهِ صحيح, كلام جميل. C'est pas toi l'un qui a volontairement qui a mis ce parfum sur ton vêtement. لَا الْإِنْتِقَالَ ce déplacement de... الريحة أو الطيب من بدنك إلى اللباس تصاص سفي بنفسه فأنت إن شاء الله تمعذور في هذا قال وليس هو الذي نقله ولأن ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم لا يبالون إذا سال الطيب نعم l'essentiel c'est tu mets pas directement du parfum sur tes vêtements أما que t'en mets sur ton corps أو sur ta barbe ثم ça coule sur le vêtement de l'ihram هذا لا بس قال لأنهم وضعوه في حال يجوز لهم وضعه نعم l'essentiel donc c'est de ne pas parfumer ses vêtements directement en état d'ihram الحكمة من هذا من منع الطيب على المحرم الإمام النووي رحمة الله عليه في شرح مسلم قال الحكمة في تحريم الطيب والنساء أن يبعد عن الطرف وزينة الدنيا وملاذها ويجتمع عمه لمقاصد الآخرة نعم هذا سيبغ اتخبخوت الآخرة pour oublier زينة الدنيا في هذا الحال فسيسا الحكمة فلهذا il a pas le droit d'avoir des rapports avec sa femme il a pas le droit de mettre du parfum etc قال الشيخ محمد toujours on lit la matouille à la brochure قال ولا يجوز للمحرم حلق الرأس أو التقصير في حال إحرامه ويجوز له أن يحك رأسه ولو سقط بعض الشعر بذلك نعم donc après avoir cité la mas'ala l'interdiction de se parfumer pour le muhrim il cite l'interdiction de se couper les cheveux ou de se raser les cheveux الدليل على هذا قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله والشاهد ولا تحلقوا رؤوسكم c'est ça الشاهد كذلك حتى يبلغ الهدي محله ça montre que c'est pour celui qui est en état d'ihram نقل الامام ابن المنذر وكذلك الامام ابن عبد البر وابن قدامه وغيرهم كثير رحمه الله عليهم الاجماع l'unanimité ان المحرم ممنوع من حلق شعر رأسه وإتلافه بحلق أو نورة نعم que ça soit حلق se raser avec le rasoir ou se couper avec le ciseau ou avec la tondeuse ou avec y a des crèmes pour enlever les poils, etc. Tout ça, c'est mamnou. Tout ça, c'est mamnou pour le muhrim. Qala aw ghayr dhalik illa fi halat al-illah. Sauf bien sûr, comme a dit Hadith Ka'b ibn Ujra, radiyallahu anhu, annahu il avait des poux, radiyallahu anhu, et ça lui faisait du mal. Fannabi, et il était en état d'ihram. Et Annabi, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu son hal, annahu il était malade, bihada, radiyallahu anhu, fannabi, sallallahu alayhi wa sallam, amarahu an yahluq ra'sa, alors qu'il était muhrim. Fa fi halat ad-daroura, ou une illa, une maladie, un besoin, etc. Fafi hadha al-hal ta'lamun anna ad-darura etc. ala des ahkam. Fa hadith Ka'b ibn Ujra fi as-sahihayn, c'est une hujja fi dhalik. Amma celui qui a aucune raison, aucune excuse, fa hadha la yajouz lah. En état de ihram qui se coupe ou se rase les cheveux. Est-ce que ça concerne la tête أو ساكونسيرن تو لي بوال دو كور؟ هذه المسألة هي خلاف كبير بين أهل العلم. بعض العلماء لأن vous avez vu dans le verset أن الله سبحانه وتعالى il a cité la tête. قال عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم. Donc dans le nص, dans le délit, كذلك حديث كعب بن عجرة c'était la tête. فدans les أدلة c'est cité la tête. Tu te rases pas et tu te coupes pas les cheveux de la tête. لكن بعض العلماء ils ont cité Anna, ça englobe tous les poils du corps. Et بعض العلماء, ils ont dit là. فالمسألة خلافية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع. قال ولو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعوره كشاربه وإبطه وعانته احتياطا لكان هذا جيدا. Et ça, ça montre une position à avoir, يا إخوان, في المسائل الخلافية. Certains masa'il, مثلاً notre cas, hein. بعض العلماء disent, tu touches pas. مثلاً les aisselles, etc. La moustache. Tout ça, tu touches pas en état d'ihram. بعض العلماء disent, il n'y a aucun délit. في هذا الحال, أخي الكريم, pour sortir du khilaf, et les ulama, ils appellent ça l'ihtiyat. Et tu prends pas de risque. فأخي, fais-le avant l'état d'ihram. Comme on va voir, كلام شيخ بن باز, rahmatullah alayhi. Et, en état d'ihram, tu n'en as pas besoin. En état d'ihram, l'umra, c'est une heure ou deux heures, ou un peu plus, si tu fais de la route, ça peut être une journée, on va dire. Et al-hajj, ça peut être quatre jours, cinq jours, on va voir les jours du hajj. Ça fait le haqiqa, cette courte durée, si tu le fais juste avant, tu n'as pas besoin de hal. Et inshallah, tu sors de l'khilaf. Si tu ne le fais pas, il n'y a pas de khilaf, que celui qui ne touche pas au poil de son corps, il n'a pas fait un mahdour. Ça, c'est, ils sont tous d'accord. Il y a un khilaf sur le fait de le faire. Enfin, tant que tu peux éviter, évite, ya akhil karim. Et ça, c'est un bab ma'ruf dans cette masala et autres pour sortir du khilaf. Tu t'écartes des doutes et tu fais les choses où tout le monde est d'accord tant que tu peux. Bien sûr, sans contredire un délit. On parle, il y a un ijtihad min al-ulama, leur compréhension elle diverge, pour sortir d'un bab wasi'. Et t'as aucun doute, et t'es mourtah, tu t'écartes min hada. Falihada qal Cheikh Ibn Uthaymeen. Law anna l'insan tajannab l'akht min shu'urihi kasharibi. Al-sharib, c'est les moustaches. Wa ibtihi, les aisselles. Wa anatihi, les parties intimes. Ihtiyatan lakana hada jayidan. Qal walakin, an nulzimahu wa nuathimahu, idha akhada ma'a adam wujud al-dalil al-rafi' lil-ibaha, fahada fihi nadar. Lianna l'asl dans ces choses, c'est l'ibaha. Ça, c'est une règle. Al-asl ibaha, c'est que tu as le droit de te raser, couper les cheveux, tailler les moustaches, etc. quand tu veux. C'est ça l'asl. Celui qui nous dit dans tel moment tu peux pas, ils font un délit. Et fil haqiqa, il n'y a pas de délit. Il y a un délit sur les cheveux, de la tête. Lakin, pour sortir, on a dit, min hadha al-khilaf, t'évite, wa c'est ahsan. Lakin, celui qui le fait, on ne dit pas qu'il est ahtim. Mais bab awla, on ne dit pas qu'il a une fidya. Là. لكن pour sortir du khilaf كما قال شيخ ابن عثيمين احسن بقي مساله تقليم الاظافر se couper les ongles قال الامام ابن المنذر رحمه الله عليه اجمع اهل العلم على ان المحرم ممنوع من اخذ اظفاره هذا كذلك يا با ان دليل واضح الامام ابن المنذر رحمه الله عليه cite الاجماع لكن الظاهر أن بعضهم يزون خالف فالإجماع هذا ينظر فيه نظر قال شيخ العثيمين فإن صح هذا الإجماع فلا عذر في مخالفته بل يتبع نعم أي يتبع هذا القول أي بل يتبع أو نعم بل يتبع أي هذا الإجماع أي on se coupe pas les ongles si الإجماع اللي صحيح لأن الإجماع سين حجة اللي صحيح تعلمون أن دي فوات هذا إجماع أن إمام de la sunna ici d'un ijma' et ce ijma' fil haqiqa avec les recherches tu te rends compte qu'il n'y a pas ijma' il y a un imam de la sunna qui a khalif donc il n'y a pas ijma' l'unanimité c'est qu'ils sont tous d'accord et tu peux trouver un il n'est pas d'accord fa fi hadha al hal ijma' il n'est pas sahih et c'est pas une hujja fa Cheikh Ibn Uthaymeen avec son kalam l'an ka'annahu rahmatullah alayhi ici annahu ya khilaf fil mas'ala fa li hadha qal wa in lam yasih fa innahu yubhat fi taqlim al adhafir kama bahathna fi halq baqiyat al sha'r ça revient à la même mas'ala que le sha'r le mieux c'est évite. Et si tu le fais, si l'ijma' il n'est pas sahih, des recherches à faire donc, c'est comme la mas'ala de. C'est comme Ash-Sha'r. Lakin, nous on conseille à ceux qui font le Hajj ou l'Umrah, ils se coupent les ongles avant de rentrer en Ihram, et la mas'ala est sahla. Fal-Ahwat, et bien l'Ihtiyat il est ma'rouf, inda ahl al-ilm, l'Ihtiyat c'est de ne pas prendre des risques. Fal-Ahwat, c'est de s'écarter de hada. Amma dire que c'est haram, fa il faut un délit. Lianna at-tahrim, c'est un hukm shar'i, et le hukm shar'i, il est basé sur un délit obligatoirement. Tambi, قال الإمام ابن باز رحمة الله عليه في تحقيق التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة, c'est une risale nafi'a. Il la distribue gratuitement هناك, fa yustafad minha. قال ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه. فهذا كلام الشيخ بن باز تمام. Celui qui va rentrer en état d'ihram, يغتسل كذلك, il se taille les moustaches, il coupe ses ongles, etc. حتى إن شاء الله il est à l'aise. Et ta'lamoun anna c'est min bab al-nadhafa kama fi hadith Abi Huraira. Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal al-fitratu khams. La fitra elle est basée sur cinq choses. Il a cité ces choses alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Se tailler la moustache, etc. Fahada. Et inshallah, kadhalik avec hada, il sort du khilaf. Il sort du khilaf qui a bayna ahl al-ilm. Est-ce que ça fait du mal à son ihram? Amla. Mas'ala, après avoir cité le hijab, est-ce que la femme elle couvre son visage? Thomas on a cité At-tayyib, le parfum. Thomas on a cité se couper les cheveux, se raser les cheveux, etc. Thomas on a cité se couper les ongles. Al-an taghtiyat al-muhrim ra'sa. Est-ce que le muhrim il peut se couvrir la tête? Mas'ala de la femme on a vu. Qala al-imam ibn Qudama rahmatullah alayhi fi al-mughni, qala ibn al-munzir رحمة الله عليه أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه والأصل في ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته لا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إجمع أهل العلم, l'unanimité des savants, anna al-muhrim, l'homme, la femme taqaddam ma'ana, l'homme il n'a pas à se couvrir la tête, ni l'imama, ni le burnous, ni al-taqiyah, ni autre, ni un sac plastique, ni une couverture, il ne se couvre pas, il laisse sa tête découverte. Al-dalil, comme a dit l'imam ibn al-Mundhir rahmatullah alayhi, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de porter l'imama ou le burnous. Al-burnous, ta'alamoun, c'est comme un kamis, lakin il a une capuche. Et cette capuche, c'est fait pour couvrir la tête. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il interdit ce libas pour le muhrim. Kadhalik al-amaim, etc. Kadhalik, hadith qu'on a cité, le sahabi qui s'est fait tuer par sa monture, qu'a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tukhammiru ra'sa. Couvrez pas sa tête. Fa si c'est pour le mort, fa min babi awla, le vivant. Kama bayyana l'imam ibn Qudama rahmatullah alayhi, la mas'ala du parfum. Qala 'allala man' takhmir ra'sihi bi baqa'ihi 'ala ihramihi fa 'ulima anna al-muhrim mamnu' min dhalik. Na'am. La tukhammiru ra'sa, pourquoi? Fa innahu yub'ath yawm al-qiyamah mulabbiya. Ay li'annahu il est muhrim. Fa hakadha nahnu, pour les vivants, ils sont en état d'ihram, hakadha ils se couvrent pas la tête. Amma ce qu'ils font أهل البدع والضلال كالرافضة قاتلهم الله أنهم حتى la voiture ils l'utilisent plus حتى le parapluie. Là, هذا c'est du roulou. نحن on parle d'une chose qu'on contacte. فلهذا انتبهوا quand vous dormez à Muzdalifa ou autre, خاصةً quand il fait frais, c'est pour ça qu'on a cité Muzdalifa, انتبهوا de ne pas se couvrir la tête avec les couvertures. لأن المحرم ne se couvre pas la tête. أما tu es en dessous d'une tente, ou tu es dans un car, ou une voiture, ou un parapluie pour le soleil, فهذا c'est مباح. فلا إفراط ولا تفريط. Une autre mas'ala, est-ce que le muhrim, il lui est légiféré de se laver la tête? On a vu, elle rousse, c'est avant l'ihram. C'est mustahab, comme ils ont fait as-sahaba, radiyallahu anhum. Al-an, nahnu, on parle de rousse ras, et on va voir aussi, autre que la tête, le corps, t'es en état d'ihram. Maintenant, t'es au hajj, ça fait, tu t'es mis en ihram, lundi, mardi, mercredi. Est-ce que mercredi, t'es encore en état d'ihram, mercredi? Est-ce que tu peux te laver? قال الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه المغني ولا بأس أن يغسل المحرم رأسه وبدنه برفق. نعم برفق حتى خاصة الرأس برفق avec douceur حتى il fait pas tomber de cheveux. Et si en se frottant il se frotte normalement et de cheveux il tombe de sa barbe ou autre, فلا شيء عليه. Comme on a vu مسألة حك الرأس. أو on va la voir. نسيت. On l'a vu والله أعلم. نعم والله في مسألة حك الرأس. قال ابن قدامة رحمة الله عليه قال ولا بأس أن يغسل المحرم رأسه وبدنه برفق. فعلى ذلك عمر وابنه كما في مصنف ابن أبي شيبة. نعم مصنف ابن أبي شيبة سنغاجو de notre part on l'a pris de فتح العلام de Cheikh Mohammed ibn Hizam رحمة الله عليه. Il a cité ou il a fait une référence à ses affaires أنه صحيح عن عمر et son fils Abdullah أنهم ils se sont lavés et ils étaient en état d'ihram. Donc ton vêtement tu l'enlèves, tu te laves et tu remets ton vêtement. Est-ce que tu peux changer le vêtement de l'ihram, l'izar wa rida? Non, pas le droit. قال ورخص فيه علي وجابر أثر جابر كذلك اللي في مصنف ابن أبي شيبة الصحيح. قال وقد روي عن ابن عباس كما في سنن البيهقي. قال وربما قال لعمر أي عمر بن الخطاب إذ زي ابن عباس ونحن محرمون بالجحفة. نعم قال تعال أي عمر إذ زي ابن عباس تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء رضي الله عنهم. هذا الأثر il est مهم c'est pour ça qu'on l'a cité. وهذا الأثر نعم on est plus في كلام ابن قدامة. نعم on l'a cité خارج كلام ابن قدامة رحمة الله عليه. المهم هذا الأثر اللي صحيح عن ابن عباس كما في السنن البيهقي أن عمر يديز ابن عباس تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء إذا تأنيت تحرم أي il se mettait les deux sous l'eau رضي الله عنهم et il regardait c'est lequel qui reste le plus longtemps. هذا سمعروف الصحابة رضي الله عنهم اللي انفق. Et nous tous on l'a cité on avait trouvé al-muhrim ne doit pas se couvrir la tête et si tu rentres sous l'eau ta tête elle est couverte. Voilà, on a un athar an Omar an Ibn Abbas annahum il le faisait. Fa se laver pour al-muhrim khassatan si une haja la shak annahu c'est mubah c'est mashrou. Wa qala rahimahullah ay ibn qudama wa ajma'a ahlu al-ilm ala anna al-muhrim yaghtasil min al-janaba. Et ça c'est un naql tayyib kadhalik. إجماعوا العلماء أن المحرم سيلان تجنابه يبفغ الغسل. في الحقيقة سيون حجة أن المحرم يبفغ الغسل لأن سي peut le faire en état janaba il peut le faire pour autre chose sauf si quelqu'un nous cite un dalil ou la dalil. Et là c'est qu'un المحرم doit faire le غسل pour un janaba لأن المحرم doit faire الصلاة. Et من شروط الصلاة الطهارة. Et الجنوب il est pas à la طهارة. Donc, la shak wa la raib, an al-muhrim, il peut se laver. Et on a un dalil ala hadi mas'ala. Hadith Abdullah ibn Hunayn, radiyallahu anhu, al-hadith il est sahihay, an Abdullah ibn Abbas, ou al-miswar ibn Makhrama, ikhtalafa bil abwa. Ils étaient dans un endroit, et ils ont eu un khilaf. Abdullah ibn Abbas khtalafa ma'a al-Miswar ibn Makhrama radiyallahu anhu. Faqal ibn Abbas yaghsil al-muhrim ra'sah. Ibn Abbas, il a affirmé anna al-muhrim, il peut se laver la tête. Waqal al-Miswar la yaghsil al-muhrim ra'sah. L'autre sahabi, al-Miswar, il a dit la al-muhrim la yaghsil ra'sah. نستفيد من هذا أن الخلاف قد يقع بين الأخ وأخي بين طالب العلم et un autre طالب بين العالم et son frère un autre عالم يحصل الخلاف. ابن عباس c'est un صحابي جليل, المسور c'est un صحابي جليل, اختلفوا. لكن المسألة c'est pas est-ce qu'on va اختلف لأنه va اختلف لا شك. Sunnat Allah subhanahu wa ta'ala fi khalqihi annahu yadu khilaf. On n'a pas la même compréhension, on ne fait pas les mêmes efforts, on n'a pas le même ilm, on n'a pas les mêmes compétences, on n'a pas les mêmes livres, etc., etc. À chaque fois, il y aura des divergences. Lakin, comment faire quand on diverge? Et un, tu as un exemple avec ce hadith. Qala Abdullah ibn Hunayn fa arsalan ibn Abbas ila Abi Ayyub al-Ansari. Première solution, revenir à Ahl al-Ilm. Ibn Abbas radiyallahu anhu, il a envoyé Abdullah ibn Hunayn qui a assisté quand lui, quand Ibn Abbas et Al-Miswar ikhtalafu, Ibn Abbas pour citer le délil, pour être sûr, il va envoyer Abdullah ibn Hunayn, n'am, il a Abi Ayyub al-Ansari, al-Sahabi al-Jalil. Donc, hakad al-Khilaf, t'as pas forcément raison, akhi. Et ton frère, il a pas forcément tort. N'am, là. Celui qui a raison, c'est celui qui a l'hujja. Et pour connaître l'hujja, il faut revenir à Ahl al-Ilm. Qala. Qala fa qala fa arsalani ibn Abbas ila Abi Ayyub al-Ansari fa wajadtuhu yaghtasil bayna al-qarnayn. Ay amoudain, dans un endroit, et il faisait le ghusl. Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu. Qala nakhtasir nahnu al-hadith. Fa Abdullah ibn Hunayn, il a expliqué à Abu Ayyub pourquoi il est venu, il y a un Ibn Abbas, il y a un khilaf. Etc. Est-ce que le muhrim il a sa tête? Faqal Abdullah ibn Hunayn, كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Revenir à أهل العلم, c'est essentiel. C'est une des causes, بإذن الله, ça est un khilaf. أما الجهال qui parle, les, on m'a dit, les rumeurs, عدم التثبت, l'استعجال, tout ça, ça fait que amplifier et rajouter du mal sur du mal. والله المستعان. قال وهو محرم. قال أبو أيوب لإنسان يصب عليه الماء أصبب. أبو أيوب, il y avait une personne avec lui, il lui a dit verse-moi de l'eau. Et il va lui montrer comment il faisait. النبي صلى الله عليه وسلم, il était محرم. فقال فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه. Ça, ça montre que le محرم, il peut se frotter la tête. Il peut normalement, comme il fait d'habitude. Ou alors s'il y a un cheveu qui tombe ou plusieurs cheveux, fa lâchez, allez. Ça, c'est des choses habituelles. Fa aqbala bihima wa adbar thumma qala hakadha ra'aytuhu sallallahu alayhi wa sallam yaf'al. Fa la shak anna fi al-mas'ala, c'est Ibn Abbas qui avait raison. Et nous, par rapport à notre dosh, on conclut anna al-muhrim, il a le droit de se laver la tête. Et s'il se lave la tête, la shak, il a le droit de se laver le corps. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال بقي النظر إلى أن بعض الصابون له رائحة. نعم, أساس المسألة طيبة أن s'il se lave, là chacun a des savons, des shampoings, etc. il y a c'est parfumé. Et نحن on a vu une مسألة أن المحرم il peut pas se parfumer en état d'ihram, il peut se parfumer avant son corps. لكن الآن نحن notre مسألة du lavage الآن il est محرم. فكيف نفعل avec ces صابون avec ces shampoings؟ قال الشيخ ابن عثيمين هل هي طيب أم هي رائحة زكية؟ قال الظاهر الثاني. إيه نعم, الشيخ ابن عثيمين يرجح أن في الحقيقة ces shampoings, ces savons, etc. c'est pas du parfum, c'est pas considéré comme un parfum. Là, c'est quelque chose pour se purifier et ils ont mis une odeur. Il y a une bonne odeur. في الحقيقة il y a un فرق avec le parfum. قال ولهذا لا يعد الناس هذا الصابون طيباً صحيح. Si tu dis à quelqu'un donne-moi du parfum, jamais il t'emmènera du savon ou du shampoing. أبداً. قال فلا تجد الرجل إذا أراد أن يتطيب يأتي بالصابون يمره نعم على ثوبه لكنها لما كانت تستعمل في الأيدي للتطهر بها من رائحة الطعام جعلوا فيها هذه الرائحة الزكية. نعم, c'est parfumé, les annas, c'est pour nettoyer, etc. Amma, est-ce que c'est du parfum? Fala. Et le muhrim, il est interdit de mettre du parfum. Pas de se nettoyer, de se laver. Qala, falladhi yadhhar li, an hadha as-sabun alladhi fihi raiha tayyiba, la yu'ad من الطيب المحرم هذا سيقول شيخ ابن عثيمين كما سمعت سنقول إلى قريب إلى قوي أنه سافيبا بارتي دو بارفان لكن on revient دائما apprends-toi أخي الكريم à utiliser des règles حتى لا تتخبط une مسألة tu sais plus comment faire مثل هذا الآن est-ce que tu peux te laver en état d'ihram نعم Est-ce que tu es obligé d'utiliser ce savon, ce shampoing ou qu'il y a de raïha? Fala. Tu n'es pas obligé. Enfin, si tu as un doute, tu te nettoies, tu te laves. On a dit le Umrah, c'est un jour maximum avec le voyage, etc. Et le Hajj, tu peux patienter 3 jours, 4 jours, 5 jours. Fa, Inch'Allah, s'il y a des doutes, l'insan, il s'écarte min hada. Fa, lihada, qala l'imam ibn Baz, rahmatullah alayhi, fi majmou' al-fatawa, qala walakin. Il a cité cette masala que Cheikh Ibn Uthaymeen l'a cité. ثم قال ولكن ترك ما فيه الطيب من الصابون الممسك الذي يظهر رائحة الطيب أحوط وأولى للمؤمن. On revient toujours l'ihtiyat. Si vraiment, خاصةً il y a des gels douches l'an, il y a des gels douches, c'est des marques de parfum. Et il y a une raïha, c'est comme le parfum, etc. فَفِي الْحَقِيقَةِ celui qui s'écarte من هذا فَإِنْشَاءَ طَيِّبٌ Et celui qui l'utilise, on n'a pas un dalil wadih qui est interdit. Le dalil qui est interdit, c'est at-tayyib. Et fil haqiqa, hada, il n'a pas mis de parfum. Hatta lughatan, hatta urfan, on ne dit pas il s'est parfumé. On dit c'est lavé. Et là, chacun de ta, si tu te laves, c'est pour te nettoyer, pour avoir des bonnes odeurs. Lakin, tu peux avoir une bonne odeur sans utiliser de parfum. Fantabihu. Antabihu, lakin, bab al-ihtiyat, kama qala al-imam ibn Baz, rahmatullah alayhi, fi hada wa fi ghayrihi, c'est muhim. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والاستمرار والنصيحة للإخوان الاستمرار الاستمرار هذا العلم يدمون de la patience هذا العلم يدمون des sacrifices هذا العلم c'est pas un jour c'est pas deux jours c'est pas une semaine لا كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه من المحبرة إلى المقبرة celui qui veut des sacrifices ou celui qui veut accepter des fruits Ba'du Salaf disait Anna al-ilm, si tu lui donnes tout ton temps, tous tes efforts, tu te sacrifies pour hadha al-ilm, Inch'Allah, tu prendras un peu de ce ilm. Hadha, c'est si tu donnes tout. Ma balouk, tu donnes un peu. Tu prendras pas grand-chose. Fal-nasiha, c'est al-sabr, ou al-istimrar. Khasatan al-durus. Khasatan, li anna al-ilm, c'est al-durus. Kadhalik, c'est al-hifz. كذلك سي الجلوس عند العلماء كذلك سي الرحلة كذلك كذلك لكن نحن دائما ننصح الإخوان أنهم يستمرون خاصة مثل هذه الدروس سي كلك دروس en plus c'est pas tous les jours في الحقيقة طالب العلم الحريص على نفسه qui veut le خير il connaît l'importance de هذا العلم il fait rien passer avant ces دروس أبدا son programme journalier il tourne par rapport au علم C'est pas l'ilm qui suit al-dunya. C'est al-dunya qui suit l'ilm. Lakin, Allah al-musta'an. Fahmadillah. Si Allah est tawaffaq, anna t'arrives à être régulier, t'arrives à suivre et tu comprends. Ihmadillah, t'es dans une ni'ma. La ya'lamuha illallah subhanahu wa ta'ala. Hayyakumullah. Naktafi bihada et inshallah, gadan, on continue. Subhanak, Allahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.